François Akimana sur la mise en onde. Bonjour et bienvenue à ce journal à langue française et la grande édition de ce lundi, dont voici les principaux titres. Une pénurie d'eau se fait parler d'elle dans le quartier Nyabagere en zone Guihoshan, somme à mairie de Bujumbura le matin comme le soir. Les habitants disent se rabattre à la rivière Nyabagere pour sauver la situation. Et dans ce journal, on reviendra également sur la politique de Charroi Zéro en application depuis 5 ans. Malgré les critiques de certaines organisations de la société civile, le décret irrelatif clarifie les institutions et personnalités pouvant garder ces véhicules. Les détails sur ce décret de 2013, c'est avec Léonce tout de suite. Un fonctionnement hors normes hygiéniques de certains abattoirs de la commune Rumongi. Les habitants de la colline Rukinga demandent que l'abattoir érigé soit fermé avant qu'il n'attrape les maladies. Et en actualité sportive, l'équipe nationale burundaise de moins de 20 ans dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2019 a été battue ce dimanche par la Zambie sur un score d'un but à 0. Voilà pour le sommaire, l'intégralité de ce journal, c'est tout de suite. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Page sécurité pour débuter ce journal. Encore d'un homme a été retrouvé ce matin à l'avenue de l'imprimerie dans la zone Nyakabiga, mairie de Bujumbura, près du campus Mutanga. Zeyman Ajelaz est originaire de la colline Gitanga, commune Gisagara de la province Changuzo. Il a été frappé sur l'œil et sur le nez et un permis de conduire a été également retrouvé sur son corps. Des sources policières sur place ont indiqué avoir commencé des enquêtes pour retrouver le mobile et les auteurs de ce forfait. Je vous le disais dans les titres, la politique dite de Charroi Zéro est en application depuis 5 ans pour diminuer les dépenses de l'État par rapport au déplacement des hauts cadres de l'État. La mise en place de cette politique est pourtant décriée par des responsables de la société civile. Mais quoi qu'il en soit, certaines dispositions du décret relatif clarifient les personnalités ou institutions publiques pouvant garder ou acquérir des véhicules de l'État. Au studio, je suis avec Léonce Vitaliro pour les détails. L'article 3 montre la répartition de véhicules qui sont gardés par certaines personnalités, mais pour le compte du gouvernement. C'est notamment le président de la République avec 15 véhicules, 3 pour la première dame de la République, 4 pour les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, chacun des 2 vice-présidents de la République et l'ombudsman, 20 pour le protocole de l'État, etc. Selon l'article 6, tous les autres hauts cadres de l'État, à part ceux visés ci-haut, ont 2 options pour acquérir des véhicules. Ils peuvent soit garder les véhicules dont ils se servent moyennant le paiement de 50% de la valeur de l'expertise effectuée par la commission chargée de la vente des biens du domaine privé de l'État, soit acheter des véhicules neufs. Pour la deuxième option, le ministre des Finances accordera une avance de 20 millions de francs burundais pour les ministres et les chefs de cabinet. L'article 7 de ce décret précise la priorité pour la vente aux enchères et l'acquisition des véhicule de l'État sera accordé aux fonctionnaires de l'État moyennant le paiement de 50% de la valeur vénale d'expertise effectuée par la commission chargée de vente des biens du domaine privé de l'État. Ces véhicules ne seront frappés d'aucune taxe ni impôt à la vente. S'il y a des véhicules qui restent, c'est l'article 8, la vente aux enchères sera accordée à toutes les autres personnes intéressées à acheter. Des responsables de la société civile dénoncent un échec dans la mise en application de cette politique de Charroi en vigueur depuis juillet 2013. Le ministère de la Bonne Gouvernance a déclaré la semaine dernière qu'une commission a été créée pour analyser la situation. Merci Léonce et je vous rappelle qu'il était au studio avec moi. Nous marquons une courte pause. Après, on va parler des abattoirs de la province Rumong. Captez Isanganiro, écoutez la différence. 13h02 sur Isanganiro, le journal se poursuit. Les abattoirs qui fonctionnent hors normes hygiéniques en commune province Rumongue inquiètent les riverains. Ceux de la colline Rouking interrogés demandent que l'abattoir érigé soit fermé avant qu'il n'attrape les maladies de Mansal. Et le gouverneur d'Orumongue informe que le problème est connu et qu'une solution sera bientôt trouvée. N'est-ce pas, Jean-Pierre Misago, depuis Orumongue? L'abattoir réside sur la colline Rouking, dans une plantation de manioc, n'est pas aménagé et n'a pas d'eau potable. Seul un pavement cimenté est clôturé en partie par des branches de palmiers à huile sont visibles. Les mouches et les corbeaux grouillent sur la petite fosse de collecte du sang et de la bouse des bêtes abattues et une odeur nauséabonde s'y dégage. À moins de 100 mètres se trouve un petit marché, des boutiques et des bars. Les habitants près de ce coin et ceux qui fréquentent ce petit marché craignent d'attraper les maladies de Mansal et demandent à l'administration de fermer cet abattoir. Juvenal Bigirimana, gouverneur de Rumonge, dit que l'administration est au courant de l'existence de ce genre d'abattoir dans les différentes zones de la commune Rumonge. Il informe que ce problème trouvera définitivement solution dès que l'abattoir moderne en cours de construction à Mutambara et dont les travaux sont avancés selon le gouverneur de Rumonge sera achevé. Jean-Pierre Misago, depuis Rumonge, Radio Isanganiro. Merci également Jean-Pierre Misago et Page Sport pour la sélection masculine et burundaise de football de moins de 20 ans. S'est incliné ce samedi devant la sélection zambienne sur le score d'un but à zéro. Ce match s'inscrit dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2019 qui se déroulera au Niger. Et le tournoi de volleyball de la Coupe du Président édition 2018 était en quart de finale samedi de la semaine passée et a été maillé par des irrégularités. Les détails avec Evariste Nzikobanyang. Samedi du week-end dernier a été marqué par des matchs comptant des éliminatoires de la CAN des moins de 20 ans au Niger en 2019. Ce samedi, la sélection burundaise était en déplacement en Zambie pour jouer son match aller contre Chipolopolo. Ce match a été remporté par la sélection zambienne sur le score d'un but à zéro, but inscrit à 3 minutes de la fin de la rencontre. Le match retour est prévu samedi de la semaine en cours au stade Rukundo Dongozi. Les Inhamba Murugamba devront remporter le match retour pour accéder à la phase finale au Niger en 2019. C'est au moment où la sélection zambienne est tenante du titre de la CAN 2016. Le tournoi de volleyball de la Coupe du Président édition 2018 était en quart de finale samedi dernier. L'équipe militaire Muzinga a battu Espoir 3-7 à 2. Amical a battu Christeroi 3-7 à 1. La formation du ministère de l'Intérieur s'est imposée face à la formation Wezo-Wandani 3-7 à 1, tandis que l'équipe policière Rukinzo s'est imposée face à la formation de Bissoro 3-7 à 0. Les équipes du ministère de l'Intérieur et Amical sont reprochées d'avoir aligné des joueurs ne remplissant pas les conditions exigées. Des mesures sont attendues avant que ce tournoi de la Coupe du Président n'entre dans les demi-finales. Merci également à toi, Evariste Nzikobanyang. Certains conducteurs de moto de la zone urbaine de Kamenga, mairie de Bujumbura, parce que le non-port des habits contre le froid met en danger leur santé. Ils affirment avoir enregistré des morts parmi leurs collègues suite aux effets du vent, mais d'autres ne comprennent pas encore l'importance de la protection contre le vent excessif. Le constat est de notre conseillère Vestine Boutoui qui est avec moi au studio. Sur la route nationale Bujumbura-Bugarama, dans la partie de la zone Kamenge, parmi 25 motards qu'on voit passer sur cette route, 4 seulement ne portaient pas des habits contre le froid. Un de ces motards qui portait les 10 habits dit que c'est nécessaire de les porter quand on est en train de faire son travail, car certains d'entre eux ont déjà perdu leur vie à cause de s'être exposés au froid, pense-t-il. Même s'il y a certains motards qui comprennent l'utilité de porter ces habits contre le froid, il y en a d'autres qui ne le trouvent pas primordial. Ces motards appellent ses collègues à se protéger contre le froid chaque fois qu'ils sont en train de faire leur travail. Merci également à toi, Vestine Boutoye. Elle était avec moi au studio. Et certains habitants du quartier Nyabagira, en zone Guihosha, mairie de Bujumbura, disaient connaître une pénurie d'eau dans les quartiers tous les jours, du matin jusqu'au soir. Ces habitants indiquent faire recours à la rivière Nyabagira pour les travaux ménagers, mais craignent d'être attrapés par des maladies de Mansal. Suivez certains de ces habitants qui se sont exprimés au micro de la radio Sanganiro. Je suis très désolé parce que cette pénurie d'eau nous fait défaut. Parfois, quand on a besoin de l'eau, on a cette carence. Le matin, de 7h30, on ne parvient pas à trouver de l'eau. Souvent, on utilise de l'eau avec nos propres moyens. Car l'eau manque dans la société, c'est-à-dire que la vie manque aussi. Il y a des maladies qui peuvent arriver. Par exemple, il y a le choléra, le diarrhée. Vous savez que l'homme a besoin d'oxygène pour que son corps puisse quand même respirer bien. Il y a aussi d'oxygène qui concerne les respirations dans les ménages. Lorsqu'il n'y a pas d'oxygène, vous comprenez bel et bien qu'il n'y a pas de la vie. Je voudrais lancer un appel vibrant à la Régie des eaux pour qu'il y ait quand même la résolution de ce problème. Et au niveau de la Régie des eaux, on promet de s'exprimer sur ce dossier dans nos éditions ultérieures. Et la surpopulation carcérale et des bâtiments vieux, le budget limité sont quelques-uns des défis auxquels se heurte le ministère, la Direction générale des affaires pénitentiaires. Les précisions sont dites de Gervais Habzaliman, directeur général, dans une conférence de presse ce jeudi avec le comité international de la Croix-Rouge. Monsieur Jayand a souligné que dans les 11 prisons du pays, dans les 10 provinces, la population carcérale est de 9901, alors qu'elle devrait être de 4994. C'est dans le cadre du lancement de la campagne de la promotion des droits des détenus dans l'objectif de célébrer le Mandela Day du 18 juillet. Je vous prie de suivre Gervais Ajayandi, le directeur général des affaires pénitentiaires. Le monde carcéral burundais, nous avons 11 prisons, pour ceux qui ne le sachent pas, nous avons 11 prisons qui sont établies sur 10 provinces du pays. Il y a la province de Ngozi qui en a deux, la prison Ngozi homme et la prison Ngozi femme. Sinon, les autres 9 prisons sont établies sur les 9 provinces. Donc vous comprenez qu'il y a 9 provinces qui n'ont pas de prison. Et de ces 11 prisons, la plus ancienne, c'est la prison de Gitega qui a été construite en 1926. Il y a les autres qui ont suivi dans les années 1930, 40, 50. La dernière étant celle de Ngozi Homme qui a été construite en 1989. Au 12 juillet, c'est la semaine passée, nous avions dans nos prisons, les 11 prisons dont je viens de parler, nous avions 9901 détenus, ça c'est la population carcérale globale. Et de ces 9901, 5681 étaient des détenus qui sont des prévenus, donc pas encore condamnés. Et on avait 4121 détenus qui sont déjà condamnés, c'est-à-dire pour qui il y a déjà une décision judiciaire qui a déjà été rendue. Je vous informerai aussi que sur cette population carcérale de 9901, 548 sont des femmes. Nous avons 121 mineurs qui sont surtout hébergés dans les deux centres de l'éducation. Il y a les deux centres de l'éducation des mineurs en conflit avec la loi. Il y a un centre à Rumonge et un autre à Ruigi. À côté de ces deux centres pour les mineurs, d'au moins de 18 ans, nous avons un quartier spécial pour les mineurs filles dans la prison de Ngozi femmes. C'était Gervais Ajayand, il est directeur général des affaires pénitentiaires au Burundi. Pour clore cette édition, les habitants de communes Mpanda et Gihanga dans la province de Bubanza suivent depuis quelques jours une formation sur la prévention et la gestion des risques et catastrophes. Un projet initié par l'ONG Oxfam en partenariat avec la Croix-Rouge Burundi. C'est un moment où la population de la plaine d'Olimbo est régulièrement confrontée aux problèmes causés par des catastrophes naturelles comme l'inondation, l'ensoleillement prolongé et d'autres. Ainsi se referme cette édition. Mais avant de vous quitter, je vous rappelle qu'une pénurie d'eau se fait parler d'elle dans les quartiers Nyabagiri en zone Gihosha, les matins comme le soir. Les habitants disent se rabattre à la rivière Nyabagiri pour sauver la situation et fonctionnement hors normes hygiéniques de certains abattoirs de la commune Rumonge. Et les habitants de la colline Rukinga demandent que l'abattoir érigé soit fermé avant qu'il n'attrape les maladies. Vous l'avez entendu en actualité sportive que l'équipe nationale burundaise de moins de 20 ans dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2019 a été battu, c'était samedi, par l'équipe zambienne sur un score d'un but à zéro. Ainsi, se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également à François Akimana pour sa parfaite collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Placide Niamongede. Bonne journée à tous. Au revoir.